Sainte Bible selon saint Jérôme, premier livre des Rois, chapitre 8. Alors s'assemblèrent tous les anciens d'Israël, avec les princes des tribus et les chefs des familles des enfants d'Israël, auprès du roi Salomon dans Jérusalem, pour transporter l'arche de l'alliance du Seigneur de la cité de David, c'est-à-dire de Sion. Et tout Israël vint ensemble auprès du roi Salomon dans le mois de Tanim, au jour solennel, c'est le 7e mois. Tous les anciens d'Israël vinrent donc, et les prêtres emportèrent l'arche. Et ils emportèrent l'arche du Seigneur et le tabernacle d'alliance, et tous les vases du sanctuaire qui étaient dans le tabernacle. Et les prêtres et les lévites les portaient. Or le roi Salomon et toute la multitude d'Israël, qui étaient venus auprès de lui, marchaient avec lui devant l'arche. Et ils immolaient des brebis et des bœufs, sans prix et sans nombre. Et les prêtres portèrent l'arche de l'alliance du Seigneur en son lieu, dans l'oracle du temple, dans le saint des saints, sous les ailes des chérubins. Car les chérubins étendaient leurs ailes au-dessus du lieu de l'arche, et ils couvraient l'arche et les leviers par en haut. Et comme les leviers passaient en dehors et que leurs extrémités paraissaient hors du sanctuaire devant l'oracle, ils ne paraissaient plus extérieurement, et ils sont demeurés là jusqu'au présent jour. Or il n'y avait rien d'autre dans l'arche que les deux tables de pierre que Moïse y avait mises à Horeb, quand le Seigneur fit alliance avec les enfants d'Israël lorsqu'ils sortirent de la terre d'Égypte. Mais il arriva que quand les prêtres furent sortis du sanctuaire, la nuée remplit la maison du Seigneur. Et les prêtres ne pouvaient pas s'y tenir ni remplir leur ministère à cause de la nuée, car la gloire du Seigneur avait rempli la maison du Seigneur. Alors Salomon dit, le Seigneur a dit qu'il habiterait dans la nuée. Ô Dieu, j'ai bâti cette maison pour votre demeure, et pour votre trône très affermi à jamais. Et le roi tourna sa face et bénit toute l'assemblée d'Israël, car toute l'assemblée d'Israël était présente. Et Salomon dit, bénis le Seigneur, Dieu d'Israël. Lui qui a parlé de sa bouche à David mon père, et par ses mains a accompli sa parole, disant depuis le jour que j'ai retiré de l'Égypte mon peuple Israël, je n'ai point choisi de ville d'entre toutes les tribus d'Israël, afin qu'on me bâtît une maison et que mon nom y fût. Mais j'ai choisi David, afin qu'il fût chef de mon peuple Israël. Et David mon père voulut bâtir une maison au nom du Seigneur Dieu d'Israël. Mais le Seigneur dit à David, mon père, quand tu as pensé en ton cœur à bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait, en t'occupant de cela en ton esprit. Cependant, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison, mais ton fils qui sortira de tes flancs sera celui qui bâtira une maison à mon nom. Le Seigneur a continué la parole qu'il a dite. J'ai succédé à David, mon père. Je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'a dit le Seigneur, et j'ai bâti une maison au nom du Seigneur, Dieu d'Israël. Et j'ai établi là le lieu de l'arche dans laquelle est l'alliance du Seigneur qu'il fit avec nos pères quand ils sortirent de la terre d'Égypte. Or Salomon se tint debout devant l'autel du Seigneur, en présence de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, Seigneur, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à vous, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. C'est vous qui conservez l'alliance et la miséricorde à vos serviteurs, qui marchaient devant vous en tout leur cœur, qui avez gardé à votre serviteur David, mon père, ce que vous lui aviez promis. Vous l'avez dit de votre bouche et accompli par vos mains comme ce jour le prouve. Maintenant donc, Seigneur, Dieu d'Israël, conservez à votre serviteur David, mon père, ce que vous lui avez promis, disant, on ne t'enlèvera pas devant moi un homme qui doit s'asseoir sur le trône d'Israël, pourvu néanmoins que tes fils gardent leur voie, afin qu'ils marchent devant moi comme toi tu as marché en ma présence. Et maintenant, Seigneur, Dieu d'Israël, qu'elles soient accomplies les paroles que vous avez dites à votre serviteur David, mon père. Est-il donc croyable que Dieu habite véritablement sur la terre? Car si le ciel et les cieux des cieux ne peuvent vous contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. Mais portez vos regards sur la prière de votre serviteur et sur ses supplications. Seigneur, mon Dieu, écoutez l'hymne et la prière que votre serviteur fait devant vous aujourd'hui, afin que vos yeux soient ouverts sur cette maison nuit et jour, sur la maison de laquelle vous avez dit « Mon nom sera là », afin que vous exauciez la prière que vous fait en ce lieu votre serviteur, afin que vous exauciez la prière de votre serviteur et de votre peuple Israël, quelque chose qu'il vous demande en ce lieu. Et vous exaucerez dans le lieu de votre habitation, dans le ciel, et lorsque vous aurez exaucé, vous serez propice. Si un homme pèche contre son prochain, s'il a quelque serment par lequel il s'est lié, et qu'il vienne à cause de ce serment devant votre autel, dans votre maison, vous écouterez dans le ciel, et vous agirez, et vous jugerez vos serviteurs condamnant l'impie, ramenant sa voix sur sa tête, justifiant le juste et lui rendant selon sa justice. Si votre peuple Israël fuit devant ses ennemis, parce qu'il lui arrivera de pécher contre vous, et que faisant pénitence et rendant gloire à votre nom, ils viennent et vous prient et vous implorent dans cette maison, exaucez-les dans le ciel et remettez le péché de votre peuple Israël et ramenez-les dans la terre que vous avez donnée à vos pères. Si le ciel est fermé, s'il ne pleut point à cause de leur péché, et que priant en ce lieu ils fassent pénitence pour honorer votre nom à cause de leur affliction, exaucez-les dans le ciel et remettez les péchés de vos serviteurs et de votre peuple Israël. Montrez-leur la voie droite par laquelle ils doivent marcher, et répandez de la pluie sur votre terre que vous avez donnée à votre peuple en possession. Si une famine se lève sur la terre, ou une peste, ou un air corrompu, ou la rouille, ou la sauterelle, ou la nielle, que votre peuple soit affligé par son ennemi, assiégeant ses portes, par toutes sortes de plaies et toutes sortes d'infirmités, dans tout anathème et toute imprécation qui arrivera à un homme, quel qu'il soit de votre peuple Israël. Si quelqu'un reconnaît la plaie de son cœur et qu'il étende ses mains dans cette maison, vous l'exaucerez dans le ciel, dans le lieu de votre habitation, vous lui redeviendrez propice, et vous ferez en sorte d'accorder à chacun selon toutes ses voies, comme vous verrez son cœur, parce que vous seul vous connaissez le cœur de tous les enfants des hommes, afin qu'ils vous craignent durant tous les jours qu'ils vivront sur la face de la terre que vous avez donnée à nos pères. De plus, lorsque l'étranger lui-même, qui n'est point de votre peuple Israël, viendra d'une terre lointaine, à cause de votre nom, car on entendra parler de votre grand nom, de votre main puissante et de votre bras, car on entendra parler de votre grand nom, de votre main puissante et de votre bras étendu en tout lieu. Lors donc qu'il viendra et qu'il priera en ce lieu, vous l'exaucerez dans le ciel, dans votre demeure stable, et vous ferez toutes les choses pour lesquelles l'étranger vous invoquera, afin que tous les peuples de la terre apprennent à craindre votre nom, comme le fait votre peuple Israël, et qu'ils éprouvent que votre nom a été invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Si votre peuple sort pour la guerre contre ses ennemis, et que dans la voie, partout où vous les aurez envoyés, ils vous prient, tournez vers la cité que vous avez choisie et vers la maison que j'ai bâtie à votre nom, vous exaucerez aussi dans le ciel leurs prières et leurs supplications, et vous leur ferez justice. Que s'ils pêchent contre vous, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'irrités vous les livriez aux mains de leurs ennemis, qu'ils soient emmenés captifs dans la terre des ennemis, ou près ou loin, qu'ils fassent pénitence en leur cœur dans le lieu de la captivité, et que, convertis, ils vous prient dans leur captivité, disant « Nous avons péché. Nous avons agi iniquement, nous nous sommes conduits en impie. » Qu'ils reviennent à vous en tout leur cœur et en toute leur âme dans la terre de leurs ennemis, dans laquelle ils ont été emmenés captifs, et qu'ils vous prient, qu'ils reviennent à vous en tout leur cœur et en toute leur âme dans la terre de leurs ennemis dans laquelle ils ont été emmenés captifs, et qu'ils vous prient, tournez du côté de leur terre que vous avez donnée à leur père, de la ville que vous avez choisie, et du temple que j'ai bâti à votre nom, vous exaucerez dans le ciel, dans le lieu stable de votre trône, leurs prières et leurs supplications. Vous leur ferez justice. Vos dieux viendraient propices à votre peuple qui a péché contre vous, en pardonnant toutes leurs iniquités, par lesquelles ils ont prévariqué contre vous. Et vous leur ferez miséricorde devant ceux qui les auront emmenés captifs, afin qu'ils aient pitié d'eux. Car c'est votre peuple et votre héritage que vous avez retiré de l'Égypte du milieu de la fournaise de fer. Que vos yeux soient ouverts aux supplications de votre serviteur et de votre peuple Israël, afin que vous les exauciez dans toutes les choses pour lesquelles ils vous invoqueront. Car c'est vous qui les avez séparés de tous les peuples de la terre pour votre héritage. Comme vous l'avez dit par Moïse, votre serviteur, lorsque vous avez retiré nos pères de l'Égypte, ô Seigneur Dieu. Or il arriva que lorsque Salomon, priant le Seigneur, eut achevé toutes ses prières et ses supplications, il se leva de devant l'autel du Seigneur, car il avait mis les deux genoux en terre, et il avait étendu les mains vers le ciel. Il se tint donc debout, et il bénit toute l'assemblée d'Israël à haute voix, disant, « Bénis le Seigneur, qui a donné du repos à son peuple Israël, selon tout ce qu'il a dit. Il n'est pas même tombé une seule parole touchant tous les biens qu'il nous a promis par Moïse, son serviteur. » Que le Seigneur notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères. Ne nous abandonnant point, et nous ne nous rejetant point. Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies, et que nous gardions ses commandements, ses cérémonies, et toutes les ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. Et que ces mêmes paroles par lesquelles j'ai prié devant le Seigneur approchent du Seigneur notre Dieu, jour et nuit, afin qu'il fasse justice à son serviteur et à son peuple Israël, chaque jour, afin que tous les peuples de la terre sachent que c'est le Seigneur qui est Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre excepté lui. Que notre cœur aussi soit parfait avec le Seigneur notre Dieu, afin que nous marchions dans ses décrets, et que nous gardions toujours ses commandements comme nous faisons encore aujourd'hui. » Ainsi, le roi et tout Israël avec lui immolait des victimes devant le Seigneur. Et Salomon tua les hosties pacifiques qu'il immola au Seigneur, 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Et le roi et les enfants d'Israël dédièrent le temple du Seigneur. En ce jour-là, le roi consacra le milieu du parvis qui était devant la maison du Seigneur, car il offrit là l'holocauste, le sacrifice et la graisse des hosties pacifiques, parce que l'autel d'airain qui était devant le Seigneur était trop petit et ne pouvait contenir l'holocauste, le sacrifice et la graisse des hosties pacifiques. Salomon fit donc en ce temps-là la fête célèbre, et tout Israël avec lui, une grande multitude étant accourue depuis l'entrée d'Emath jusqu'au fleuve d'Égypte devant le Seigneur notre Dieu, durant 7 jours et 7 jours, c'est-à-dire durant 14 jours. Et au 8e jour, il renvoya les peuples, qui, bénissant le roi, s'en allèrent dans leur tabernacle avec allégresse et le cœur joyeux, pour tous les biens qu'avait fait le Seigneur à David son serviteur et à Israël son peuple. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, traduite en français avec des notes par l'abbé Glaire, pour le site jésusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.